bilingue, par qui mec d'Esca, t'inquiète. 92 FAR, y'a rien à faire. Ouais, je regarde ta tête et ta coupe de mouton. Généralement, tout le monde dit que t'es une tête de con. Attends, tu fais le mec, retourne au 93 qui te met la vermine. Même ton père se surnomme Kader. Il se saoule tous les soirs et ensuite, il course dans les couloirs. Attends, ouais, on devrait te hacker pour que tu fermes un peu ta grosse gueule. T'as l'équipe là et tu te crois chaud, mais dis-toi dans ta tête que nous, c'est pas la même chose. Alors, arrête-toi, putain, je t'ai serré une petite gogo danseuse et ça se croit chaud, hein? Tu te crois chaud? Si elle aurait vu ta petite bite, elle serait partie, hein? Donc, ta bite, déjà, elle est toute petite, elle a des rides. Attends, même celle de mon petit frère est plus grosse et plus grande et sans rides. Donc tu vois, arrête, tu vas t'afficher. Alors, arrête, arrête, arrête. Wow. Tu vas t'afficher.